Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 février 2023. Voici les grands titres de cette édition. Une jeune fille originaire d'Ongozi écope de la peine à perpétuité ainsi que l'interdiction des droits civils et celle de la famille pour infanticide. La condamnation a été prononcée ce jeudi par le tribunal de grande instance là-bas, siégeant en matière de flagrance à l'endroit de Godans ou Izeïman. Et le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité des progrès accomplis pour aider les réfugiés à trouver des solutions à long terme dans la région des Grands Lacs africains. Filippo Grandi vient de séjourner pendant 2 jours au Burundi. Et en actualité internationale, le bilan ne cesse de monter, réévalué plusieurs fois par jour en Turquie et en Syrie suite au séisme de lundi. La barre des 20 000 morts est désormais franchie. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. La perpétuité ainsi que l'interdiction des droits civils est celle de la famille. C'est la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit de Godans, Izeïmana. Elle est poursuivie pour infanticide prémédité de ses jumeaux de 2 mois. Godans a reconnu les faits, expliquant qu'elle a commis ce forfait à cause de ses mois, de ses conditions de vie ne lui permettant pas de prendre en charge ses enfants. Apollinaire Muzagara. Dans une flagrance de ce vendredi, Godans Izeïmana est accusé d'infanticide avec préméditation en tuant ce faux jumeau. Elle les a jetés vivants dans une latrine, un à un, en commençant par le garçon, a-t-elle avoué. Un délit commis ce mercredi dans la petite matinée à la colline Kabari de la commune Kiremba en province Ngozi. Godans a reconnu le forfait sans tergiversation devant le siège, avançant le motif de la misère dans laquelle elle vivait dans une autre famille. Misère ne lui permettant pas de supporter ses enfants. Elle dit avoir vu le père de ses enfants à Bujumbura le jour de l'acte, mais en vain jusqu'aujourd'hui, alors qu'il disait être lui aussi natif d'Ongozi, a-t-elle expliqué. Arguments qui n'ont pas convaincu le tribunal de grande instance d'Ongozi. Le président du siège dit ne pas comprendre pourquoi Godans n'a pas laissé ses enfants là où elle habitait ou ailleurs, puis prendre le large, d'où la perpétuité et l'interdiction des droits civils et de la famille, une peine semblable à celle requise par le parquet de la République Angose, d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. À la fin de sa visite de 2 jours au Burundi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité des progrès accomplis pour aider les réfugiés à trouver des solutions à long terme dans la région des Grands Lacs africains. Filippo Grandi a précisé que depuis le début de l'opération de rapatriement, 207 000 Burundais ont été aidés à rentrer au pays. Il a rappelé au gouvernement que la réintégration des rapatriés doit inclure l'accès à la propriété aux services et la capacité de subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille. Jean-Marie Mayonga. Filippo Grandi a noté que dans une région marquée par des violences et des conflits complexes qui génèrent des déplacements forcés, il a été encouragé par l'attention accrue qui est portée à la recherche des solutions durables pour les réfugiés et spécialement pour les Burundais. Il y a des réfugiés burundais qui résident toujours à l'étranger. Je pense qu'en Tanzanie, qui est le pays qui en héberge le plus, ils sont à peu près 120, 130 000. Il y en a un peu moins de 50 000 au Rwanda. Il y en a un chiffre plus ou moins équivalent surtout des réfugiés urbains en Ouganda, et puis ils sont éparpillés un peu dans beaucoup d'autres pays de la région et même au-delà. Alors ces personnes, beaucoup sont en train de prendre la décision si rentrer ou pas. On va les accompagner s'ils rentrent. On va augmenter légèrement l'appui financier qu'on offre aux Burundais qui revenaient du Rwanda. Et les défis de cette opération résident surtout dans les défis de la réintégration. Ce sont des rapatriés, ce sont des citoyens burundais comme les autres, mais bien sûr, surtout pour ceux qui ont passé plus longtemps à l'étranger, la réintégration est complexe et demande une assistance spécifique que nous fournissons. Ma visite aussi a été une occasion pour rappeler au gouvernement que c'est important d'inclure les rapatriés dans leurs programmes nationaux, que ce soit les services, les programmes de création d'emplois et autres, et de rappeler aussi aux bailleurs, à nos partenaires au développement, que c'est important d'inclure, faire ce calcul supplémentaire. Pas la population résidente, il y a la population qui rentre. Il faut faire une assistance qui couvre toute la communauté d'accueil, disons. Ambassadeur Claude Boschi de l'Union européenne a annoncé qu'il y a eu en 2018 l'adoption du pacte mondial pour les réfugiés qui a redéfini comment les bailleurs peuvent intervenir dans la prise en charge des réfugiés. Une enveloppe de 40 millions d'euros a été mobilisée. Avec les collègues d'autres délégations de l'Union européenne dans la région, nous avons réussi à mobiliser un financement supplémentaire de l'ordre de 40 millions d'euros pour prendre en charge les retournés, donc les Burundais retournés, pour l'instant installés dans les pays du pourtour. Donc c'est une enveloppe destinée aux citoyens burundais que nous avons réussi à mobiliser. Une question sur l'assistance alimentaire a été soulevée et le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait savoir qu'il y a eu des injections de financement supplémentaires de la part des États-Unis pour que l'assistance continue à la normale. Jean-Marie Mayonga, nous reparlerons des réfugiés dans la région des Grands Lacs avec ce financement de l'Union européenne en faveur du Rwanda à hauteur de 22 millions d'euros jusqu'en 2026. Et ce sera pour accueillir les réfugiés en provenance de Libye. Mais avant cela, des habitants de Cibitoke demandent la réouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo du côté des traversées se trouvant sur la rivière Rusizi afin que le commerce transfrontalier puisse reprendre sur cette partie de cette province de l'ouest du pays. Le Premier ministre Gervais Ndirakobuja a recommandé au gouverneur de la province Cibitoke d'entamer des négociations avec ses collègues congolais dans ce sens. Alexis Ndairagiche. Cette traversée se trouve sur la rivière Rusizi, sur la troisième transversale Nyamitanga, la quatrième transversale Ndava, la sixième et troisième Gasenyi, dixième, sixième et quatrième transversale Cibitoke, sur la localité de Marambo et Rukana de communes de Rugombo et Buganda. Les usagers de cette traversée indiquent que les facilités, le commerce transfrontalier et les relations familiales entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Ils demandent la réouverture de cette traversée. C'est au moment où du côté burundais, la frontière est ouverte, tandis que du côté congolais, la frontière reste fermée. Le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobuja, demande au gouverneur de la province Cibitoke de rencontrer ses collègues congolais pour trouver solution qui concerne la réouverture de ces traversées afin que les échanges entre la République démocratique du Congo et le Burundi sur la rivière Rusizi du côté de la province Cibitoke reprennent. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. On parle santé maintenant des patients qui se font soigner à l'hôpital de district Bizajabe. Se lamentent que les services sont lents. Ces patients déplorent la lenteur notamment de l'accueil ainsi que le service de laboratoire. Et dans l'administration à cet hôpital, on explique que chaque jour de travail, on commence par une réunion du staff. Et un laboranté a été même ajouté pour pallier ce problème. On fait le point avec Moïse Misago. Selon les patients qui s'adressent à cette structure de soins de santé, la qualité de prestation n'est pas satisfaisante. Ces patients pointent du doigt le service de laboratoire qu'ils trouvent trop lent. Ces derniers disent qu'ils passent beaucoup de temps en attente d'être accueillis. À part cela, ces patients déplorent le retard des docteurs pour les consultations à cet hôpital. Ces patients trouvent que cette situation aggrave leur santé. En réaction, la direction de l'hôpital de district de Bizajabe explique que le service commence toujours par une réunion du staff, mais qu'il y a toujours un médecin au cabinet pour consulter les malades qui se présentent très tôt. Docteur Cynthia Kedimana, responsable de cet hôpital, précise que l'hôpital a ajouté un autre laborantin à ce service pour améliorer l'accueil des patients. Cela est ainsi au moment où les demandeurs de services de vaccination apprécient. Actualité internationale. Je venais de vous le dire tantôt, lors d'une visite au centre de transit de Gachora, l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda a annoncé un financement renouvelé de 22 millions d'euros jusqu'en 2026 pour soutenir l'accueil par le pays des réfugiés transférés depuis la Libye. En 2019, le Rwanda a signé un accord avec l'OACR pour évacuer les réfugiés demandeurs d'asile ayant besoin d'une protection internationale de la Libye vers le Rwanda. Depuis septembre 2019, l'OACR a évacué au moins 1453 réfugiés et demandeurs d'asile de Libye. Parmi eux, plus de 900 ont depuis quitté le Rwanda pour se réinstaller dans d'autres pays. La majorité dans des pays de l'Union européenne, notamment la Suède, la France, la Belgique et la Finlande. Ces réfugiés, principalement originaires des pays de la Corne de l'Afrique, dont les espoirs de traverser la Méditerranée depuis la Libye vers l'Europe ont été réduits à néant, sont hébergés au centre du mécanisme de transit d'urgence à Gachora. C'est dans le district de Bouguessera. Et le prochain vol en provenance de Libye est prévu pour mars 2023. C'est le mois prochain. Au Cameroun, après une nouvelle perquisition dans un immeuble de Jean-Pierre Amougou Bellinga, la deuxième depuis le début de la semaine, Reporters sans frontières RSF affirme que des éléments de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo accablent l'homme d'affaires. La perquisition de jeudi dans l'immeuble Ekang de 9 étages au quartier Briquetterie à Yaoundé a duré 4 heures, dont 2 passées au sous-sol. Et les enquêteurs sont repartis avec les enregistrements des caméras de surveillance. Pour rappel, dans ce dossier, la présidence du Cameroun a annoncé des arrestations au 2 février, mais depuis, aucune précision officielle n'est venue compléter cette déclaration. On sait que plusieurs cadres et membres du contre-espionnage font partie des individus interpellés. Jean-Pierre Amougou Bellinga, plusieurs de ses proches et collaborateurs sont arrêtés depuis le début de la semaine. Enfin, hors du continent africain, le bilan ne cesse de monter, réévalué plusieurs fois par jour en Turquie et en Syrie suite au séisme de lundi. La barre des 20 000 morts est désormais franchie à Kahramanmaraş, dans l'est de la Turquie, une ville de 500 000 habitants proche de l'épicentre. De nombreux corps sont encore trouvés dans le débris des immeubles. 5 jours après le séisme, Washington vient d'annoncer qu'elle débloque 85 millions de dollars à des partenaires locaux en Syrie, car le gouvernement américain refuse tout contact avec le régime de Bachar el-Assad. Pourtant, à l'Organisation des Nations Unies, on réclame de ne pas politiser l'aide humanitaire. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro, un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Une jeune fille originaire d'Ngozi écope de la peine à perpétuité ainsi que l'interdiction des droits civiques et celle de la famille pour infanticide. La condamnation a été prononcée ce jeudi par le tribunal de grande instance là-bas, siégeant en matière de flagrance à l'endroit de Godens Ouiseiman. Et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité des progrès accomplis pour aider les réfugiés à trouver des solutions à long terme dans la région des Grands Lacs africains. Filippo Grandi vient de séjourner au Burundi pendant 2 jours. Et le bilan ne cesse de monter, je venais de le dire. Il est réévalué plusieurs fois par jour en Turquie et en Syrie suite au séisme de lundi. La barre des 20 000 morts est désormais franchie. Il est bientôt 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Passez un très bon après-midi.